Session de bénédiction express. Je bénis ma santé globale pour la favoriser, l'augmenter et l'amplifier. Je bénis mon système immunitaire pour le favoriser. Je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je bénis la longévité, la souplesse et la force de mon corps physique. Je bénis ma prospérité financière. Je bénis ma joie de vivre. Je bénis ma volonté, mon intelligence et mon amour. Je bénis ma capacité à générer de l'amour en abondance. Je bénis ma résidence pour qu'elle soit toujours chargée d'énergie régénératrice. Je bénis mon sommeil régénérateur. Je bénis ma créativité. Je bénis ma stabilité psychique. Je bénis la vitalité de mon corps. Je bénis ma capacité de jouer, de rire et mon sens de l'humour. Je bénis ma capacité à rencontrer les alliés de ma vibration. Je bénis l'actualisation de mon plein potentiel. Je bénis le bon déroulement de mes déplacements et des voyages que j'effectue. Je bénis ma capacité à savoir. Je bénis ma capacité à m'harmoniser à la conscience universelle. Je bénis ma capacité de bénir pour qu'elle soit de plus en plus puissante au fil des sessions de bénédiction que j'effectue. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.